Chapitre 9e. Tous ceux qui ont vécu en France à cette époque savent ce que fut cette semaine du 28 août au 4 septembre 1870, une agonie. Il semblait qu'on fût dans une maison où le chef de la famille allait mourir. On parlait bas. On s'abordait avec des figures inquiètes et affligées. On se serrait la main en s'interrogeant, mais d'une façon discrète, en gens qui n'osent pas dire tout ce qu'ils savent ou tout ce qu'ils pensent. Nulle part, la fièvre de l'attente et de l'angoisse n'était plus vive qu'à l'hôtel Chamberlain. Mais à ces angoisses patriotiques s'ajoutaient des angoisses personnelles, au moins pour Thérèse et le colonel. Dès le lendemain de son arrivée, Antoine avait commencé ses courses dans Paris. Où allait-il? Ni le colonel, ni sa fille ne lui adressaient cette question. Mais il n'avait pas besoin de ses réponses pour savoir ce qu'il faisait pendant ses absences. Il ne mangeait pas à l'hôtel et, sortant le matin de bonne heure, il ne rentrait que le soir tard, quelquefois à une heure très avancée dans la nuit. Alors Thérèse et le colonel l'attendaient. Il restait en tête-à-tête dans le grand salon du rez-de-chaussée. Tant que l'heure n'était pas très avancée, il causait librement. Thérèse racontait les incidents de son séjour en Allemagne. Le colonel parlait de l'Amérique, qu'elle était curieuse de connaître. Ou bien, plus souvent encore, elle l'interrogeait sur les choses de la guerre. Il y avait un mot qu'elle ne prononçait pas, mais qui était au fond de toutes ses paroles. L'Empire allait-il s'écrouler? Lui-même n'abordait jamais franchement cette question, mais elle était le sujet sur lequel roulaient ses réponses. Cependant, ni l'un ni l'autre ne s'étaient entendus. C'était la fatalité des circonstances qui les entraînait à sonder un avenir duquel leur vie dépendait. Après avoir longuement expliqué la situation désespérée des armées françaises, il arrivait toujours à cette conclusion qu'il pensait que l'empereur allait faire la paix. Et s'il ne la fait pas? Alors qui peut prévoir ce qui arrivera? Tout est possible. Tout cela est bien vague. Pour elle, cela était précis. Cependant, les minutes et les heures s'écoulaient les unes après les autres. Le timbre de la pendule résonnait fortement dans le silence de la nuit. Ils se taisaient. Ils ne se regardaient point. Mais souvent, tous deux en même temps, il levait les yeux pour voir les aiguilles sur le cadran et alors, d'un mouvement de tête, mais sans échanger une parole, il se disait leur crainte. Pourquoi n'était-il pas encore entré? L'avait-on arrêté? Un bruit de pas résonnait dans le vestibule sonore, c'était lui. Ou bien, lorsqu'il était très tard, on entendait une porte s'ouvrir du côté de la serre. Il rentrait par le passage de la rue de Valois. Il allait à eux, embrassant sa fille, serrant la main de son neveu. « Vous m'avez attendu, mes enfants, nous avons bavardé. » Mais il n'était pas dupe de cette parole, et il leur expliquait qu'il n'avait couru aucun danger. On ne soupçonnait pas sa présence à Paris, et d'ailleurs le gouvernement impérial avait bien autre chose à faire en ce moment que de prendre souci d'Antoine Chamberlain. Soyez donc tranquille. Puis, si avancé que fût l'heure, il voulait que le colonel lui traduisît les dépêches des journaux anglais. Mais il était trop français, trop parisien, pour admettre les mauvaises nouvelles sans se révolter. Pendant toute la journée, il avait parlé de la patrie. Le sentiment national s'était exalté, et maintenant, mis face à face avec la vérité, il reculait, il se débattait, et n'osait la regarder telle qu'elle était, horrible et terrifiante. « Votre impression ? » disait-il en s'adressant au colonel pour se cramponner à une dernière espérance. « Que pensez-vous ? » Le colonel secoua la tête. Alors Antoine cherchait des objections pour prouver, et surtout pour se prouver à lui-même que les choses n'étaient pas désespérées. Mac Mahon ne pouvait-il pas être Dumouriez? L'Argonne n'était-elle pas là? N'était-ce pas autour de Valmy qu'on manœuvrait? Alors le colonel ouvrait une carte et montrait que l'armée française, ayant abandonné son mouvement sur Paris, qui pouvait la sauver, était poursuivie par deux et peut-être par trois armées allemandes qui, se rejoignant, devaient l'écraser dans un étau. Mais Antoine ne se rendait pas. Après avoir battu la première, elle battra la seconde. C'était ce que Napoléon Ier faisait. Les soldats de MacMahon valent bien les conscrits de 1814. Napoléon Ier est remplacé aujourd'hui par Napoléon III et Blücher par M. de Moltke. Le samedi 3 septembre, la nouvelle s'était vaguement répandue dans Paris d'un grand désastre. On parlait de plusieurs batailles qui commençaient depuis 3 ou 4 jours. S'était terminé autour de Sedan. Quel en était le résultat? On ne savait, on n'osait le dire. On ne s'interrogeait plus avec inquiétude, mais avec fureur, les poings crispés, prêt à se lever. Ce fut le soir seulement que courut la terrible nouvelle, l'armée détruite et prisonnière, l'empereur ayant capitulé. Aussitôt que le colonel apprit cette catastrophe, il quitta son cercle et courut chez lui. Thérèse était seule. Antoine n'était pas rentré depuis le matin, mais presque aussitôt il arriva. Lui aussi savait la vérité, et maintenant il n'était plus possible de la repousser. « Mon neveu, dit-il, vous avez des armes, je viens vous les demander. La maison vous appartient. » Le colonel avait en effet une magnifique collection d'armes qui garnissait un long vestibule conduisant à son appartement particulier. Ils montèrent dans ce vestibule, et Antoine se mit à décrocher des panoplies tous les revolvers. « Il me faudrait une valise, » dit-il. Le colonel alla lui-même chercher un sac de voyage en cuir. Antoine y mit autant de revolvers qu'il put, puis il le chargea sur ses épaules. « Maintenant, dit-il, c'est à la nation de prendre en main ses destinées. L'Empire a vécu. » Et ayant embrassé Thérèse, il sortit par le passage de la rue de Valois. Thérèse et le colonel restèrent en face l'un de l'autre, se regardant sans échanger un mot. Enfin, parlant pour elle autant que pour lui, « Cette nuit, dit-il, la République va être proclamée à Paris. »